Le comte est rentré ? Oui, madame la comtesse, monsieur le comte est dans la salle à manger. » Elle eut, pendant quelques secondes, la pensée de s'armer d'un petit revolver qu'elle avait acheté quelque temps auparavant en prévision du drame qui se préparait dans son cœur. Mais elle songea que tous les enfants seraient là, et elle ne prit rien qu'un flacon de sel. Lorsqu'elle entra dans la salle, son mari, debout près de son siège, attendait. Ils échangèrent un léger salut et s'assirent. Alors les enfants, à leur tour, prirent place. Les trois fils, avec leur précepteur, l'abbé Marin, étaient à la droite de la mère. Les trois filles, avec la gouvernante anglaise, Mademoiselle Smith, étaient à gauche. Le dernier enfant, âgé de 3 mois, restait seul à la chambre avec sa nourrice. Les trois filles, toutes blondes, dont l'aînée avait 10 ans, vêtues de toilettes bleues ornées de petites dentelles blanches, ressemblaient à d'exquises poupées. La plus jeune n'avait pas 3 ans. Toutes, jolies déjà, promettaient de devenir belles comme leur mère. Les trois fils, 2 châtains, et l'aîné, âgé de 9 ans, déjà brun, semblaient annoncer des hommes vigoureux, de grande taille, aux larges épaules. La famille entière semblait bien du même sang, fort et vivace. L'abbé prononça le bénédicité selon l'usage, lorsque personne n'était invité, car, en présence des invités, les enfants ne venaient point à table. Puis, on se mit à dîner. La comtesse, étreinte d'une émotion qu'elle n'avait point prévue, demeurait les yeux baissés, tandis que le comte examinait tantôt les 3 garçons et tantôt les 3 filles, avec des yeux incertains qui allaient d'une tête à l'autre, troublés d'angoisse. Tout à coup, en reposant devant lui son verre à pied, il le cassa, et l'eau rougie se répandit sur la nappe. Au léger bruit que fit ce léger accident, la comtesse eut un soubresaut qui la souleva sur sa chaise. Pour la première fois, ils se regardèrent. Alors, de moment en moment, malgré eux, malgré la crispation de leur chair et de leur cœur, dont les bouleversait chaque rencontre de leurs prunelles, ils ne cessaient plus de les croiser, comme des canons de pistolet. L'abbé, sentant qu'une gêne existait dont il ne devinait pas la cause, essaya de semer une conversation. Il égrenait des sujets sans que ses inutiles tentatives fissent éclore une idée, fissent naître une parole. La comtesse, par tact féminin, obéissant à ses instincts de femme du monde, essaya 2 ou 3 fois de lui répondre, mais en vain. Elle ne trouvait point ses mots dans la déroute de son esprit, et sa voix lui faisait presque peur dans le silence de la grande pièce où sonnaient seulement les petits heurts de l'argenterie et des assiettes. Soudain, son mari, se penchant en avant, lui dit « En ce lieu, au milieu de vos enfants, me jurez-vous la sincérité de ce que vous m'avez affirmé tantôt ?» La haine fermentée dans ses veines la souleva soudain. Et répondant à cette demande avec la même énergie qu'elle répondait à son regard, elle leva ses 2 mains, la droite vers les fronts de ses fils, la gauche vers les fronts de ses filles, et d'un accent ferme, résolu, sans défaillance, sur la tête de mes enfants, je jure que je vous ai dit la vérité. » Il se leva, et, avec un geste exaspéré ayant lancé sa serviette sur la table, il se retourna en jetant sa chaise contre le mur, puis sortit, sans ajouter un mot. Mais elle, alors, poussant un grand soupir, comme après une première victoire, reprit d'une voix calmée. « Ne faites pas attention, mes chéris. Votre papa a éprouvé un gros chagrin tantôt, et il a encore beaucoup de peine. Dans quelques jours, il n'y paraîtra plus. » Alors, elle causa avec l'abbé. Elle causa avec Mademoiselle Smith. Elle eut pour tous ses enfants des paroles tendres, des gentillesses, de ces 12 gâteries de mère qui dilatent les petits cœurs. Quand le dîner fut fini, elle passa au salon avec toute sa maisonnée. Elle fit bavarder les aînés, conta des histoires aux derniers, et lorsque fut venue l'heure du coucher général, elle les baisa très longuement. Puis, les ayant envoyés dormir, elle rentra seule dans sa chambre. Elle attendit, car elle ne doutait pas qu'il viendrait. Alors, ses enfants étant loin d'elle, elle se décida à défendre sa peau d'être humain comme elle avait défendu sa vie de femme du monde, et elle cacha, dans la poche de sa robe, le petit revolver chargé qu'elle avait acheté quelques jours plus tôt.

une distraction coquette, sensuelle, intelligente, inventée uniquement pour et par la petite bête mécontente et agitée que nous sommes. Regarde cette femme, Madame de Mascaré. Dieu l'avait faite pour vivre dans une grotte, nue ou enveloppée de peau de bête. N'est-elle pas mieux ainsi? Mais, à ce propos, sait-on pourquoi et comment sa brute de mari, ayant près de lui une compagne pareille, et surtout, après avoir été assez rustre pour la rendre 7 fois mère, l'a lâchée tout à coup pour courir les gueuses? Grandin répondit, « Eh, mon cher, c'est probablement là l'unique raison. Il a fini par trouver que cela lui coûtait trop cher de coucher toujours chez lui. Il est arrivé, par économie domestique, au même principe que tu poses en philosophe. » On frappait les 3 coups pour le dernier acte. Les 2 amis se retournèrent, ôtèrent leurs chapeaux et s'assirent. Quatrième partie. Dans le coupé qui les ramenait chez eux après la représentation de l'opéra, le comte et la comtesse de Mascaré, assis côte à côte, se taisaient. Mais voilà que le mari, tout à coup, dit à sa femme, « Gabrielle, que me voulez-vous? Ne trouvez-vous pas que ça a assez duré? Quoi donc? L'abominable supplice auquel, depuis 6 ans, vous me condamnez? Que voulez-vous? Je n'y puis rien. Dites-moi lequel, enfin. Jamais. Songez que je ne puis plus voir mes enfants, les sentir autour de moi, sans avoir le cœur broyé par ce doute. Dites-moi lequel, et je vous jure que je le pardonnerai, que je le traiterai comme les autres. Je n'en ai pas le droit. Vous ne voyez donc pas que je ne peux plus supporter cette vie, cette pensée qui me ronge, et cette question que je me pose sans cesse, cette question qui me torture chaque fois que je les regarde. J'en deviens fou. » Elle demanda, « Vous avez donc beaucoup souffert ?» Affreusement. « Est-ce que j'aurais accepté sans cela l'horreur de vivre à votre côté ?» Et l'horreur, plus grande encore, de sentir, de savoir parmi eux qu'il y en a un que je ne puis connaître et qui m'empêche d'aimer les autres. » Elle répéta, « Alors, vous avez vraiment souffert beaucoup ?» Il répondit d'une voix contenue et douloureuse, « Mais, puisque je vous répète tous les jours que c'est pour moi un intolérable supplice, sans cela, serais-je revenu ? Serais-je demeuré dans cette maison, près de vous et près d'eux, si je ne les aimais pas, eux? Ah, vous vous êtes conduite avec moi d'une façon abominable. J'ai pour mes enfants la seule tendresse de mon cœur, vous le savez bien. Je suis pour eux un père des anciens temps, comme j'ai été pour vous le mari des anciennes familles, car je reste, moi, un homme d'instinct, un homme de la nature, un homme d'autrefois. Oui, je l'avoue, vous m'avez rendu jaloux atrocement. Parce que vous êtes une femme d'une autre race, d'une autre âme, avec d'autres besoins. Ah, les choses que vous m'avez dites, je ne les oublierai jamais. À partir de ce jour, d'ailleurs, je ne me suis plus souciée de vous. Je ne vous ai pas tuée parce que je n'aurais plus gardé un moyen sur la terre de découvrir jamais lequel de vos enfants n'est pas à moi. J'ai attendu, mais j'ai souffert plus que vous ne sauriez croire, car je n'ose plus les aimer. Sauf les 2 aînés, peut-être. Je n'ose plus les regarder, les appeler, les embrasser. Je ne peux plus en prendre un sur mes genoux sans me demander « N'est-ce pas celui-là ? » J'ai été avec vous correct, et même doux et complaisant depuis 6 ans. Dites-moi la vérité, et je vous jure que je ne ferai rien de mal. » Dans l'ombre de la voiture, il crut deviner qu'elle était émue, et sentant qu'elle allait enfin parler, « Je vous prie, dit-il, je vous en supplie. » Elle murmura, « J'ai peut-être été plus coupable que vous ne croyez. Mais je ne pouvais pas, je ne pouvais plus continuer cette vie odieuse de grossesse. Je n'avais qu'un moyen de vous chasser de mon lit. J'ai menti devant Dieu et j'ai menti la main levée sur la tête de mes enfants, car je ne vous ai jamais trompé. » Il lui saisit le bras dans l'ombre, et le serrant comme il l'avait fait au jour terrible de leur promenade au bois, il balbutia « Est-ce vrai ? » ?»« C'est vrai. » Mais lui, soulevé d'angoisse, gémit « Ah ! Je vais retomber en de nouveaux doutes qui ne finiront plus. Quel jour avez-vous menti, autrefois ou aujourd'hui? Comment vous croire à présent? Comment croire une femme après cela? Je ne saurai plus jamais ce que je dois penser. J'aimerais mieux que vous m'eussiez dit « c'est Jacques ou Jeanne ». La voiture pénétrait dans la cour de l'hôtel. Quand elle se fut arrêtée devant le perron, le comte descendit le premier et offrit, comme toujours, le bras à sa femme pour gravir les marches. Puis, dès qu'ils atteignirent le premier étage, « Puis-je vous parler encore quelques instants ? » dit-il. Elle répondit « Je veux bien. » Ils entrèrent dans un petit salon dont un valet de pied, un peu surpris, alluma les bougies. Puis, quand ils furent seuls, il reprit. « Comment savoir la vérité ? Je vous ai supplié mille fois de parler. Vous êtes restée muette, impénétrable, inflexible, inexorable. Et voilà qu'aujourd'hui, vous venez me dire que vous avez menti. Pendant 6 ans, vous avez pu me laisser croire une chose pareille. Non, non, c'est aujourd'hui que vous mentez. Je ne sais pourquoi. Par pitié pour moi, peut-être ? » Elle répondit avec un air sincère et convaincu. « Mais, sans cela, j'aurais eu encore 4 enfants pendant les 6 dernières années. » Il s'écria, « C'est une mère qui parle ainsi ? Ah ! » dit-elle, « je ne me sens pas du tout la mère des enfants qui ne sont pas nés. Il me suffit d'être la mère de ceux que j'ai et de les aimer de tout mon cœur. Nous sommes des femmes du monde civilisé, monsieur. Nous ne sommes plus et nous refusons d'être de simples femelles qui repeuplent la terre. » Elle se leva, mais il lui saisit les mains. « un mot seulement, Gabriel. Dites-moi la vérité. Je viens de vous la dire. Je ne vous ai jamais trompé. » Il la regardait bien en face, si belle, avec ses yeux gris comme des ciels froids. Dans sa sombre coiffure, dans cette nuit opaque, des cheveux noirs luisait le diadème poudré de diamants, pareil à une voie lactée. Alors, il sentit par une sorte d'intuition que cet être-là n'était plus seulement une femme destinée à perpétuer sa race, mais le produit bizarre et mystérieux de tous nos désirs compliqués, amassés en nous par les siècles, détournés de leur but primitif et divin, errant vers une beauté mystique, entrevue et insaisissable. Elles sont ainsi quelques-unes qui fleurissent uniquement pour nos rêves, parées de tout ce que la civilisation a mis de poésie, de luxe idéal, de coquetterie et de charme esthétique autour de la femme, cette statue de chair qui avive autant que les fièvres sensuelles d'immatériels appétits. L'époux demeurait debout devant elle, stupéfait de cette tardive et obscure découverte, touchant confusément la cause de sa jalousie ancienne et comprenant mal tout cela. Il dit enfin, « Je vous crois. Je sens qu'en ce moment vous ne mentez pas. Et autrefois, en effet, il m'avait toujours semblé que vous mentiez. » Elle lui tendit la main. « Alors, nous sommes amis ?» Il prit cette main et la baisa en répondant « Nous sommes amis. Merci, Gabriel. » Puis, il sortit en la regardant toujours, émerveillé qu'elle fût encore si belle, et sentant naître en lui une émotion étrange, plus redoutable peut-être que l'antique et simple amour.